بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل اليوم بإذن الله عز وجل في هذه السلسلة في بيان الفرق الضالة. On continue donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, cette série sur les sectes en islam. Et aujourd'hui, on va résumer Inhirafat wa Dalalat Firqat al-Ahbash, les égarements de cette secte al-Ahbash. Wa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa sadat. Amma nash'atuhum, un bref historique sur المؤسس على الفونداتور وسور سو جروب. فالأحباش فرقة ضالة تنسب إلى عبد الله الهرري الحبشي، ظهرت في لبنان. دونك سان جروب ايغاري دون لو فونداتور سي عبد الله الهرري الحبشي، إلى اوريجينير دو الحبشة اي لاكتوال ايثيوبي. هذه الفرقة ظهرت في لبنان او ليبان. سو جروب il est apparu au départ au Liban, thumma il s'est propagé dans d'autres contrées. Wa Abdullah al-Habashi hada wulida sanat 1328. Il est né en 1328 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1910. Wa tuwfiya 1429. Et il est mort en 1429, ce qui correspond à l'année 2008. Wa darasa fil Habasha 'inda as-Sufiyya. Et ça, c'est très très important. كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل أن هذه الفرقة c'est une فرقة من فرق الصوفية. Et انحرفوا dans plusieurs domaines, لكن il n'y a aucun doute أنهم c'est des soufis. Et البرهان على ذلك, bien sûr, c'est leurs égarements qu'on va essayer d'étudier ensemble en résumé. Et كذلك la position du fondateur. فهو درس في الحبشة, il a étudié en Éthiopie et عند الصوفية, chez les soufis. بل بايع على الطريقة التيجانية au départ, ثم تركهم, et après بايع على الطريقة الرفاعية. المهم تخبط في ظلمات البدع والخرافات, et il faisait partie de هؤلاء. Et il suivait ses confréries de soufis dans son pays d'origine, en Égypte. Il était la cause de plusieurs troubles, plusieurs fitaines dans son pays, en Éthiopie, à cause de ses égarements, à cause de sa dureté, à cause de son mauvais comportement, à cause de ses avis. أرى شاذة كما سيأتي إن شاء الله دي شوز ك المسلمون ولله الحمد كيسون على الفطرة إنك سبتبا. فبعد ذلك ذهب إلى سوريا. Ensuite il a quitté son pays الحبشة l'Éthiopie et il s'est rendu en Syrie. ثم إلى بلاد لبنان عام 1960 en 1960. Et Naam, il s'est rendu donc au Liban et il est resté au Liban. فمنذ أن أتى لبنان وهو يعمل على بث الأحقاد ونشر الفتن والآراء الشاذة وكذلك نشر عقيدته الفاسدة. Quand il est arrivé au Liban, il a trouvé هذا البلاد, ce pays le Liban, qui venait de connaître plusieurs guerres. Et العلم هناك لقليل والدعوة لضعيفة جدا. فتمكن هناك شيئا ما. لماذا؟ لأن les gens au Liban à cette époque, ils n'avaient pas les connaissances suffisantes pour repousser هذا المنحرف. فكثير منهم ils ont accepté دعوة هذا المنحرف. Et كذلك sa عقيدة. فلهذا Le fief principal de cette secte, c'est au Liban, et ce jusqu'à aujourd'hui. Amma fi al-Buldan où l'ilm il est propagé, walillahi alhamd, fa haula ma indahum ay athar. Khassatan fi bilad al-muslimin. C'est pour ça que tu trouves ce groupe il s'est propagé au Liban, khassa, principalement au Liban, et kadhalik dans certains pays, même bilad al-kufr, où al-jahl il est kathir, comme en Europe, surtout en France, wa hakada en Australie, wa hakada aux États-Unis. Limada li anna kullama dans un endroit, l'ilm, ou la da'wa, les da'ifs, et ceux qui mettent en garde contre ce genre d'égarés, ils sont faibles ou peu nombreux. Enfin, tu trouves, ils en profitent pour propager leurs égarements. Ou entachera fikr hada d'dal, comme on l'a dit, fikr hada l'habashi, et sa secte l'habashi, في بعض البلدان وانا سيتي لو ليبان اي سيغتان باي من بلاد الكفر والا في بلاد المسلمين اكثر الناس لا يعلمون شيئا عن هذه الفرقه وما لها وجود ولله الحمد لكن vu que خاصه nous on est concerné principalement par la France vu que هذه الدعوه à une certaine époque mais aujourd'hui ولله الحمد ف دعوتهم الي فاشله من قبل ومن بعد لكن ان سيرتان مومون avec certaines personnalités qui sont rentrées dans leur groupe et dans certaines villes dans certains quartiers ils ont propagé les égarements فعلى هذا الواجب c'est البيان de montrer والتحذير اما si on baisse les bras on faiblit ou on est occupé par autre chose فاهل البدع والضلال que ce soit الاحباش ou autre ils font beaucoup de sacrifices pour leur bid'a. Wa min a'wanihim ash-shayatin al-ins wal-jinn. كذلك il-lizad. As-sunni il doit avoir هذا الشعور, ce ressenti et qu'on a une responsabilité, qu'on doit appeler à la vérité, on doit mettre en garde contre al-haq. On fait attention à ba'd al-shubah. Ça ne sert à rien de parler sur les gens ou haoula ils n'ont pas de n'ont pas d'impact sur les gens. Oh, là, nous hazir, et on met en garde. Bien sûr, par rapport à la propagation de l'bid'a et à l'impact que tel groupe il a sur la société, on mettra encore plus en garde. Lakin haoula, ils ont été la cause de l'égarement de certains jeunes. Donc, on doit mettre en garde. Mimbab, qawl, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu al-nasiha. Amma, رؤوس هذه الفرقة les leaders de ce groupe on a cité bien sûr le fondateur Abdullah Al-Harari Al-Habashi مؤسس الفرقة كذلك on peut citer هنا خليفته ويعتبر الرجل الثاني c'est leur deuxième guide après Abdullah Al-Habashi Al-Munharif Al-Zaïr le deuxième c'est Nizar Al-Halabi و هذا تسلم رئاسة الجمعية جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية عام 1983 en 1983 c'est lui qui est devenu le président de leur association au Liban leur association de projet de bienfaisance il a akhir et ces associations on essaiera d'en parler avant la fin du cours inshallah ta'ala ils se servent de ces associations au nom de la bienfaisance au nom de l'entraide avec les musulmans pour propager leur bid'a. Fal insan yahdhar surtout à notre époque et surtout de beaucoup de ces associations qui prétendent aider les pauvres de s'entraider avec les musulmans fa kathir minhum leur objectif imma cette dunya c'est de profiter de la bonne intention des musulmans et ils sont attirés par l'argent et d'autres associations c'est de propager ash-shar wal bid'a. Comme Haoula Al-Ahbaj, que ce soit avec des calendriers, avec des prospectus, avec des conférences, avec des séminaires ou autres. Fahada Nizar, takharraja vi kulliyat al-shari'a, fi jami'at al-Azhar, aam 1975. Et il a eu son diplôme, il a étudié à l'Azhar en 1975. Wa qutila hada al-munharif aam 1995. Et il s'est fait assassiner au Liban en 1995. Le troisième qu'on peut citer, c'est Hussam Qaraqira, تولى رئاسة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بعد مقتل نزار الحلبي. C'est lui qui a pris la succession de Nizar, la présidence de leur association au Liban. Et là, Cheikh Nahou, c'était un de leurs guides. وكذلك من رؤوسهم عدنان طرابلسي تلميذ من تلاميذ عبد الله الحبشي الضال. هؤلاء بعض رموز certains des figures de cette secte, de ce groupe égaré. Et celui qui veut al-mazid fa fi al-mawsu'a al-muyassara, ils ont cité هؤلاء et كذلك un bref historique واستفدنا منهم ولله الحمد. هذه الموسوعه الميسره qui est connue, qui a été imprimé en deux volumes, une encyclopédie sur les groupes. فيها bien sûr des فوائد et des معلومات طيبة sur certaines sectes, لكن فيها خلط خاصة tout ce qui concerne le groupe des frères musulmans et certains égarés, ils ne discernent pas entre أهل الحق أهل السنة السلفيون et بعض الحركيين الضلال. فcelui qui lit من هذه الموسوعة il doit faire attention. Il doit faire attention. Amma les groupes clairs, comme Al-Soufiya, comme Al-Ahbash, comme Al-Ahmadiyya, Al-Qadiyaniyya, il a akhiré, vas-y, Yastavid. Amma certains groupes, khasatan des groupes politiques ou des groupes sectaires de notre époque, ka ba'd firak al-Khawarij, wal-Ikhwan, wa ba'd al-Hizbiyyin, fa ha'oula la yumayizoun kathiran. Wal-ulama, walillahi l'hamd, wa ba'dhum intaqad hadihi al-mawsu'a. أما انحراف الأحباش في العقيدة leur égarement dans la croyance, le premier point, انحرفوا في باب الصفات. الصفات الباري عز وجل, ils se sont égarés في هذا الباب. فهم ils prétendent suivre مذهب الأشاعرة et c'est des معطلة كما سيأتي معنا محرفة. لماذا؟ لأنهم ils ont suivi هذا المذهب, cette voie de l'Asha'ira. Et on a expliqué, walillahi l'hamd, ensemble, ou plutôt avec certains frères, dans cette série, on avait fait un cours sur le groupe des Asha'ira, ou l'Asha'riya. قال الحبشي, donc le fondateur de la secte, dans son charh kitab al-sifat al-thalath ashara, إن الناس افترقوا في مسألة الصفات فرقا. Donc il a cité أن la Umma, elle s'est divisée dans ce domaine, dans ce point, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en plusieurs groupes. Il a cité le premier groupe, فرقة أثبتت الصفات مع التنزيع عن مشابهة الخلق وهم أهل السنة والجماعة. وهنا un تنبيه مهم, أن الأحباش كثيرا ils se sont donné cette étiquette de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. C'est pour ça que beaucoup de leurs centres, que ce soit en France ou autre, ils les ont appelés avec هذا الاسم, le centre ou le markaz Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et بعض الناس اغتروا, certains jeunes, des débutants, ils ont pensé que c'était vraiment des Ahl al-Sunnah quand ils ont vu ce nom Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Ils ont pensé que c'était eux Ahl al-Sunnah et ils les ont suivis. On doit faire attention, ce n'est pas tous ceux qui prétendent une chose, ils suivent réellement cette chose. Les prétentions, c'est très simple. Il a cité le premier groupe, ils ont accepté les attributs sans faire ressembler Allah à la créature, et c'est le sunnah ou le jama'a. Quand tu lis ce passage, celui qui ne connaît pas l'égarement de Haoula, il peut penser que ils suivent al-salaf fi hadha al-bab. Lakin maqsoud hadha al-munharif bi ahli as-sunnah wal jama'ah huna, c'est al-ash'ari. Lian al-ash'ari ils prétendent que c'est eux ahli as-sunnah wal jama'ah, khassatan fi bab as-sifat. Thumma ila cité le deuxième groupe, firqatun 'attalat as-sifat wa hum al-mu'tazila. Le deuxième groupe, ils ont rejeté les attributs et c'est al-mu'tazila wal jahmiyya. Wa firqatun ja'alu sifat Allah min lawazim الجسمية. أتأمل هنا الطعن في أهل السنة, الطعن في أئمة السلف. أي بخطان كو لو تخوازيم جروب جعلوا صفات الله من لوازم الجسمية, أثبتوا للذات المقدسة الحركة والسكون والتنقل وغير ذلك من أمارات الحدوث, كقولهم Inna kalam Allah aswat wa huruf. Et Yahuwa, il prétend que ce troisième groupe, pour lui, qui ont accepté les attributs, lakin ils font ressembler Allah à la créature. Et pour lui, la preuve, c'est qu'il prétend que Allah subhanahu wa ta'ala, il a certains attributs. Aïe, as-sifat al-fi'liya. لماذا لأن الأشاعرة كما تعلمون أو كما يعلم البعض qui ont suivi avec nous les cours de l'Aqida ou le cours sur la secte des أشاعرة أن الأشاعرة ils acceptent في الجملة الصفات الذاتية أما الصفات الفعلية ils les rejettent et le fait de dire que مثلا الله سبحانه وتعالى il descend le premier tiers le dernier tiers de chaque nuit أن الله سبحانه وتعالى il parle quand il veut أن الله سبحانه وتعالى يفي ميزيريكوردا كي il veut toutes ces صفات اللي رجت فلهذا قال هنا كقولهم إن كلام الله أصوات وحروف توجد ثم تنقضي ثم تعود قال هؤلاء يسمون مشبهة ومجسمة هذا طعن جميع المنحرفين في باب الصفات contre أهل الحق والسنة ils prétendent que السلف et ceux qui les ont suivis c'est des مجسمة Mouchabbiha. Et ils ont fait ressembler Allah à la créature. Thumma qal wa ahl al-sunna al-wasat bayna dhaynik al-fariqatayn wa hum luqibu al-ash'ariya. Donc, Hona, il a précisé clairement anna ce qu'il voulait par ahl al-sunna, pour lui, c'est les gens du juste milieu, et c'est al-ash'ariya, ceux qui ont suivi al-madhhab al-ash'ari. Qal al-ash'ariya wal-maturidiyya. Kadhalik al-maturidiyya, c'est des égarés fi hadha al-bab. Et il ressemble à Al-Ash'ari, il y a quelques différences faqat. قال وتميز هؤلاء عن المعطلة والمشبهة لكونهم يثبتون لله تعالى الصفات التي مر ذكرها أي certaines صفات ils ont rejeté le reste. قال مع تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث. C'est ça la différence entre أهل الحق et هؤلاء الزائرين. أنهم ils ont rejeté صفات الأفعال. عندهم الله سبحانه وتعالى il peut pas faire une chose مثلا tout de suite ou à un moment donné pour eux الله سبحانه وتعالى il a toujours tous ses attributs أما الفعل مثلا الله سبحانه وتعالى il parle quand il veut à qui il veut il parlera يوم القيامة عندهم لا الله سبحانه وتعالى il a toujours l'attribut de la parole أما l'action فهم il rejette إلى آخر كلامه فتبين من هذا النقل أن الأحباش في باب الصفات هذه الأشاعرة يعطلون كثيرا من الصفات ويحرفون بعضها. Donc ils ont rejeté beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna et leur tariqa c'est tariqatu al-ash'ira. إما ils rejettent le dalil, ils disent que c'est un hadith ضعيف si c'est من السنة. إما s'ils peuvent pas rejeter الدليل إما c'est un verset du Coran إما c'est un hadith ce qu'ils appellent المتواتر ils feront du tahrif ils vont déformer le sens et on peut citer deux exemples le premier sur الاستواء والعلو et le deuxième في ما يتعلق بكلام الله عز وجل et هؤلاء الضلال الأحباش Ils sont connus quand ils veulent faire da'wa ou quand ils parlent avec un musulman qu'ils ne connaissent pas. La première mas'ala qu'ils citent en général, c'est ma yata'alaq bil ulu wal istiwa. L'anna indahum celui qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus des cieux, annahu il est au-dessus de son trône. Comme il y a dans le Coran, Ar-Rahmanu ala l'arsh istawa. Wa qala azza wa jal, wa huwa al-ali wa al-azim. Sabbih isma rabbika al-a'la. Enfin, celui qui prétend, en s'appuyant sur des versets clairs et des hadiths, que Allah il est au-dessus, عندهم c'est un kafir. عندهم c'est un égaré. فلهذا, comprendre هذه المسألة, c'est très très important, يا إخوان. كثير من أهل الضلال والبدع انحرفوا في باب العقيدة, انحرفوا في باب الصفات, خاصة في هذا الباب العظيم, أي العلو والاستواء. قال نبيل الشريف, رئيس جمعية الأشراف في لبنان. Il fait partie de cette secte. كما في منار الهدى من قال لا إله إلا الله وهو يعتقد أن الله في السماء لا تنفعه هذه الشهادة وهو كافر. Celui qui prétend que Allah subhanahu wa ta'ala il est في السماء, il est au-dessus des cieux. Et même s'il dit al-shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, fa'inda ha'ula c'est un kafir. C'est pas un musulman, c'est un mécréant. لماذا قال لأن الشهادة تنفع مع الاعتقاد الصحيح أما من تلفظ بهذا بها بلسانه وعقيدته فاسدة فإنها لا تنفع لماذا لأن فغوص من نواقض الإسلام ça fait partie des annulatifs de l'islam de croire que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus Allah subhanahu wa ta'ala قال في كتابه العظيم أأمنتم من في السماء تأمل هؤلاء الخبثاء يقولون من يعتقد أن الله في السماء c'est un كافر celui qui dit que Allah il est في السماء c'est un كافر الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الملك أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور الله سبحانه وتعالى dans ce verset بينا بكل وضوح أنه il est في السماء أي qui c'est qui est capable de châtier un tel et un tel c'est Allah فالله سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء أي est-ce que vous pensez que celui qui est au-dessus des cieux إلى آخره donc c'est عقيدة المؤمن وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء le prophète عليه الصلاة والسلام il a demandé à هذه الجارية cette jeune fille أين الله où est Allah Et هذا السؤال عند الأحباش وغيرهم من أهل الضلال والبدع c'est de la mécréance. La question pour eux, c'est de la mécréance. C'est de l'égarement. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أين الله الحديث il est في صحيح مسلم. Même si certains ils ont essayé de le rendre ضعيف إلى آخر en suivant leur passion, le hadith il est في صحيح مسلم et il est صحيح. Et أئمة الحديث ils l'ont accepté. Et on a d'autres adillah. لكن on a cité ce verset. Et هذا الحديث لماذا لأن dans ces deux nos dans ces deux textes c'est cité clairement qu'Allah il est في السماء وإلا فبeaucoup de adillah الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا منها في اجتماع الجيوش الإسلامية وهكذا الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو ils ont cité beaucoup de ces adillah فقال صلى الله عليه وسلم après avoir entendu la réponse de cette fille qui a répondu « Fils sama » Allah, il est au-dessus des cieux. « قال عليه الصلاة والسلام « أعتقها فإنها مؤمنة » Elle libère-la, affranchit-la, c'est une croyante. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré clairement que celui qui a cette croyance « أن الله il est fils sama » c'est un mu'min. Là, ils ont la croyance « أن celui qui prétend que Allah il est fils sama » c'est un kafir. Ça nous montre une hiraf, l'égarement de Ha'oula al-Ahba'ash. Wa qala l'imam al-Shafi'i rahimahullah, kama fi kitab al-Ulul al-Zahabi, wa kadhalik fi ijtima' al-Juyush ibn al-Qayyim rahimahullah, al-qawl fi sunnah, allati ana 'alayha, wa ra'aytu ashaban 'alayha ahl al-hadith, alladhina ra'aytuhum wa akhadtu 'anhum mithl Sufyan al-Thawri, wa Malik wa ghayrihima. أي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هنا il a cité l'avis des imams de la sunna son avis à lui et bien sûr ce qu'il a appris chez ses chouyours que ce soit الإمام مالك ou autre فقال الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في السماء أن الله سبحانه وتعالى على عرشه il est au-dessus de son trône et bien sûr le trône il est au-dessus des cieux. Pourquoi on a cité هذا النقل de l'imam الشافعي alors que beaucoup d'imams ils ont cité l'ijma à هذه المسألة l'unanimité que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône عز وجل au-dessus des cieux et Allah il n'est pas dans la créature l'imam on a cité كلام l'imam الشافعي لأن الأحباش que ce soit le fondateur Abdullah al-Habashi et كذلك les suiveurs Ils prétendent qu'ils suivent l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Bel, c'est des muta'assib à l'imam al-Shafi'i dans le fiqh. L'imam, là, vous ne prenez pas son qawl fi hada al-bab. Et rappelez-vous, na'indahum, celui qui dit que Allah il est fils sama, ce n'est pas un musulman. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, قال وأن الله على عرشه في سمائه. L'imam, là, il profite de lui fi bab al-fiqh. Alors que, على قولهم, ce n'est pas un musulman. Ça nous montre « Anna ahl al-ahwa » ils ont pas de mabda, ils ont pas de principe. Wallahi anna haoula, ils suivent al-hawa, ils prennent du fiqh ce qui les arrange, yata'assabun li madhhab al-Shafi'i, et ils ont des khurafat et du munkar, comme on verra certaines de leurs fatwa via hada, ils sont très très loin de madhhab al-Imam al-Shafi'i, et fi al-aqida ils ont pris كذلك ma yarawnahu yuwafiq al-hawa. C'est pour ça qu'ils ont pris min al-Rafida, ils ont pris min al-Ash'ari, ils ont pris min al-Jahmiya, ils ont pris min al-Murji'a. Amma al-Sunni, il a un principe clair, aqida wadiha, sahiha, c'est le fait de suivre al-Qur'an, al-Sunna, ala fahm salaf al-Umma. Bidoun ta'assoub. Bidoun ta'assoub, si un imam il se trompe, on délaisse sa parole et on prendra l'imam, la parole d'un autre imam. Walillahi l'ham, les imams de la Sunna, ils sont unanimes fi bab al-mu'taqad, fi bab al-usul, les fondements. Walillahi l'ham, ils sont unanimes. Falihada, a'immatu al-sunna, ils sont unanimes. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est fi s-sama. Wa al-imam Ishaq ibn Rahway, qala rahimahullah, kama fi al-sunna lil-khalal, اجمع اهل العلم انه اي الله سبحانه وتعالى فوق العرش استوى ويعلم كل شيء ان الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de son trône. Et on a plusieurs adillah qui montrent que le trône il est au-dessus des cieux, il est au-dessus de la créature, et Allah سبحانه وتعالى il est au-dessus du trône. هذا سبب الاجماع, c'est l'unanimité de اهل العلم. Et تعلمون ان اسحاق رحمه الله ابن راهوي, c'est Qarin al-Imam Ahmed. Il vivait à l'époque de l'Imam Ahmed. Et quand l'Imam Ahmed, rahimahullah, il était cité, fait kathiran, al-A'imma, il cite Ishaq. Enfin, c'est un imam kabir fi sunna, rahmatullah alayhi. Wal-Hadashi wa at-tiba'uhu asqatu hadhihi al-aqwal wal-nukulat an a'immat al-Islam bit-ta'an. Tous ces textes-là, min al-Qur'an, min al-Sunna, les paroles des savants, hadhihi al-Ijma'at, al-Ahbash, il les rejette. Imma, en accusant ceux qui les propagent. C'est pour ça qu'il y a ta'anouna fil imam al-Zahabi ou l'imam al-Qayyim. Limada ces deux imams, ils ont écrit deux livres et c'est devenu des références fi hadhihi al-mas'ala. On répète les deux livres. L'imam al-Zahabi, il a écrit Kitab al-Ulum. Le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a fait un mukhtasar, ou mukhtasara, il l'a résumé. C'est pour ça que al-Khubatha yata'anoun kadalik fil imam al-Albani, rahimahullah. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit son célèbre livre, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Et c'est un livre sur ce sujet. Bel, ta'anou, c'est l'imam al-Darimi ou Ibn Khuzayma. L'imam al-Darimi, il a un livre via là, Naqd Bishr al-Mirisi, et il a takallam via là, le bab al-Azim, bab al-Sifat. Donc, ta'anou vie, ou Ibn Khuzayma, il a écrit son livre qui est connu, عند طلبات العلم, Kitab al-Tawhid. Et inshallah, dans le chapitre sur leurs accusations contre les savants, on essaiera de lire leurs accusations sur ces imams. Qala al-Habashi al-Za'iq dans son livre Sarih al-Bayan, wa amma al-ayat wa al-ahadith allati tuhimu zahiruha anna Allah fi as-sama' aw huwa fawq as-sama' bil masafa fala bud min ta'wilha وإخراج عن ظواهره أيضا كآية أأمنتم من في السماء. Vu qu'il ne peut pas rejeter le Coran clairement, celui qui rejette le Coran clairement, c'est un kafir billah azza wa jal. Et vu que haoula ils ont du talbis, ils rusent et ils ne veulent pas que la masse des musulmans ils reconnaissent leurs égarements. فماذا قالوا, ils ont dit ce verset قوله أأمنتم من في السماء, vu qu'il est clair, Allah il est في السماء, Allah il est au-dessus des cieux, c'est clair. فقالوا لابد من التأويل, on est obligé d'expliquer ce verset, de l'interpréter. فلهذا قال فيقال المراد بمن في السماء الملائكة. Ils ont ouvert un bab khatir, comme al-Ash'ari ils ont ouvert هذا الباب avant eux, comme كثير من أهل الزيغ والضلال à notre époque ils ont ouvert cette porte. Anna, quand le texte il contredit les passions, il faut le comprendre pas selon la compréhension des salafs. Là, le comprendre comme eux, ils veulent. C'est pour ça que les ulama, ils insistent. Si tu prends l'exemple de l'imam al-Albani, rahimahullah, il a beaucoup insisté sur le fait de comprendre les textes avec la compréhension des salafs. L'imam al-Albani, le fait de prendre le Coran ou le Sunna, haoula ad-dulal, même les ahbash, ils vont te dire on suit le Coran ou le Sunna. Lakin le Coran, al-azim, comment ils l'expliquent? Avec leur passion. Faqouluhu, ta'amal, amintum man fi as-sama, qu'est-ce que tu comprends, anta? Ayyuha al-muslim, al-mu'min, al-sunni, tu comprends qu'Allah il est fi as-sama. C'est pour ça que cette preuve, l'ulama, il la cite toujours dans hadhihi al-mas'ala. Haoula ad-dulal, qu'est-ce qu'ils ont compris? Amintum man fi as-sama? Et est-ce que vous croyez que celui qui est au-dessus des cieux, ils ont compris quoi? Les anges. Les mains là, pour ne pas que ce verset, ça soit une preuve irréfutable, claire, que Allah, il est au-dessus. Al-Masakin, ils font que s'égarer. Wa qala, dans un autre livre, Al-Dalil Al-Qawim, wa amma hadith Al-Jariya, et le hadith qu'on a lu ensemble, fa mu'awwal bi annahu su'al ani al-makan, la ani al-makan. وقولهم في السماء معناه علو المنزلة والقدر أي أنه على كل شيء قدير. Vu que le verset, le hadith كذلك il est clair. Et on verra que dans un autre nas قال وقال في صريح البيان ولو صح حديث الجارية لم يكن معنى. الظاهر c'est que pour lui le hadith il est pas صحيح. هكذا المعتزلة ils ont ضعف ce hadith. لماذا؟ لأن c'est pas متواتر عندهم إلى آخر. Même les sites في صحيح مسلم على كل حال ils ont dit le hadith il est ضعيف. Et s'il est sahih, si on dit qu'il est sahih, enfin le sens, قول الجارية في السماء, النبي صلى الله عليه وسلم il a accepté, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui est في السماء, là. عندهم c'est علو, هنا, c'est pas علو الذات, c'est علو المنزلة والقدر. لأن العلو أنواع, comme on a vu dans كتب العقيدة. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est العلي, أي بذاته, وكذلك علو القدر وعلو القهر فهم ils ont rejeté علو الذات اي c'est pas Allah qui est au-dessus des cieux لكن هذا ça montre que Allah سبحانه وتعالى il est au-dessus de tout et il est capable de tout et qu'Allah il a aucune imperfection, il ne ressemble pas aux créatures, tout ça c'est haq. لكن est-ce que on rejette le fait que Allah il est au-dessus de toutes les créatures, il est au-dessus de son trône بذاته عز وجل avec ce verset, هذا c'est de l'écartement. وأعظم سبب هذا الانحراف أو من أعظم الأسباب في الانحراف في هذا الباب العظيم باب الصفات. On l'a répété كثيرا مع إخواننا dans nos دروس sur العقيدة, que ce soit الواسطية أو تقريب التدمورية أو القواعد المثلى. كما بين العلماء أن une des plus grandes causes, et c'est ce qui est arrivé à هؤلاء, أنهم ils ont pensé حال جميع المعطلة, que ce soit الأشاعرة قبلهم معتزلة الجهمية أو à notre époque هؤلاء الأحباش, اعتقدوا أن إثبات صفات الباري عز وجل يستلزم منه ماذا؟ التشبيه والتمثيل. Ils ont pensé que si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, il s'est élevé au-dessus de son trône, indahum, c'est une ressemblance aux créatures. C'est pour ça qu'ils se sont sentis obligés, imma de rejeter, car al-Jahmiya ou al-Mu'tazila, imma al-Ash'ara, ils ont voulu prendre une position entre al-Sunna et al-Mu'tazila, et ils ont déformé. Et ils se sont égarés. Ta'amm al-Kalam, Nizar al-Halabi, on l'a cité au début de la kalima. Fait partie des figures, des guides عندها أولى. أي من رؤوسهم. كما في جريدة المسلمين العدد 407 قال. Et كذلك cette parole جاءت في كلام الحبشي نفسه dans son livre دليل القويم. إذا قلنا إن الله مستوى على عرشه. أي si on dit que Allah il s'est élevé au-dessus de son trône. قال فمعنى ذلك أن له إليتين. Et si on dit que Allah il est au-dessus de son trône, ça va impliquer ماذا عندهم? Comme l'être humain. L'être humain, si tu es assis sur une chaise, un être humain, si tu es assis sur une chaise, ou un trône, les trônes qu'il y avait à des dunya, même si tu es assis, tu vas t'asseoir sur cette partie de ton corps. معروف. On n'a pas besoin de détailler. Fahoum, ils ont dit que si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé sur son trône, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette partie. Et c'est comme si on attribuait à Allah subhanahu wa ta'ala cette partie du corps sur laquelle on s'assoit. Na'oudou billah. Ils ont compris l'istiwa, bi ma'na, الجلوس الإنسان كم كنت الإنسان يساسوا alors que أهل السنة يقولون كما جاء في أثر الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول أي أن كون سكوا الاستواء سكل الاستواء بمعاني الاستواء العلو والارتفاع والصعود أي أن الله سبحانه وتعالى سيلفي لي أوتسو دو ترون أما كم فأهل السنة لا يقولون كم إذن كم خي هؤلاء نعوذ بالله من الضلال On sait qu'Allah est au-dessus de son trône, mais comment Al-Kayf Majhoul. On ne sait pas. Wa-su'al anhu bid'a. Et le fait de demander, c'est une bid'a. Comme a dit l'imam Malik, rahmatullah alayhi. Fa ahl-sunna wal-jama'a, aqidatuhum mabniya ala qawli Allah ta'ala, laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'u al-basir. Laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'u al-basir. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sami'u al-basir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il voit et il entend, ça fait partie de ses attributs, et il ne ressemble pas à la créature. Enfin, comme on accepte هذا في السمع والبصر, et كذلك les صفات que l'ahbash, ils ont accepté en suivant l'ash'ira, فلماذا ils n'acceptent pas هذا في الاستواء? Est-ce que, quand هؤلاء, ils acceptent مثلاً صفات الوجود, qu'Allah il existe, qu'Allah il est vivant, ils acceptent ce صفات, qu'Allah il est capable de tout, Est-ce que ça veut dire que la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme la vie de l'être humain? Na'oudou billah. Allah, il est vivant. Et l'être humain, il est vivant. Yukhrijou l'hayy min al-mayyit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'hayy al-qayyum. Est-ce que ça veut dire que l'être humain, il est vivant et Allah, il est vivant, c'est la même chose? Laysa kamithlihi shay. Celui qui comprend hadhihi al-qa'ida al-muhimma, qui est fondée sur ce verset, bi idhnillahi azza wa jal, il sera ala khayr fi hadha al-bab. Et celui qui veut détailler أكثر هذه المسائل فكيل étudie الواسطية ou des livres spécifiques في هذا qu'on a cité le livre de l'imam al-Dhahabi كذلك le livre de l'imam al-Qayyim كذلك le livre de l'imam al-Sijzi الرسالة إلى أهل زبيد il a cité cette مسألة في من أنكر الحرف ou plutôt هذا c'est في ما سيأتي في القرآن أما عقيدتهم في القرآن قال الحبشي في النهج السليم فكلام الله النفسي الذي ليس هو حرفا ولا لغة وهو كلام الله الحقيقي أما القرآن المتضمن للألفاظ فهو مخلوق لكن يمكن إطلاق لفظ القرآن عليه من باب المجاز إذن عقيدة الأشاعرة أن الأشاعرة عندهم الله سبحانه وتعالى لا تخبي دو لا بارول لكن كلام نفسي أما هذا القرآن العظيم que Jibril il a descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et il a révélé la zion عندهم c'est pas kalam Allah c'est ibara an kalam Allah amma ce Coran pour eux al-Ahbash et leurs prédécesseurs al-Ash'ira c'est une créature wa istadalla ala an al-Quran laysa kalam Allah haqiqatan ay al-Habashi dans son livre Il a une explication de At-Tahawiyya, et c'est de l'égarement. Et d'autres livres qu'on vient de citer, Nahj al-Salim, ou d'autres. Et il a expliqué, ou il a pris comme argument, Qawlullah Azza wa Jal, Innahu la qawlu rasulin karim. Ta'ammalu ce verset, min surat al-Haqqa. Wa'alim, pour bien comprendre, hadhihi al-mas'ala, anna hadhihi al-aya mazkura fi mawdi'i, fi al-Qur'an. Ce verset il est cité dans deux sourates. Sourate al-Haqqa et sourate al-Takwir. Donc ce verset qawluhu azza wa jalla innahu la qawlu rasulin karim dans deux sourates عند القرآن al-Haqqa wa al-Takwir. Fahum qalu qawluhu innahu la qawl rasulin karim donc ils ont dit c'est pas la parole d'Allah. Allah qali innahu la qawlu rasulin karim c'est la parole du messager. Donc, si tu as compris, anna ce verset il est cité deux fois dans le Coran. Fa'alam, anna al-Rasoul, fi ayat al-Haqqa, c'est le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Innahu la qawlu rasoulin karim, ayy le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Et dans le deuxième verset, min surat al-Takwir, al-Murad bil-Rasoul, c'est Jibril, alayhi salam. Si tu as compris hada, Tu comprendras la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, fi sharh al-wasitiyya, quand il a cité هذا الاشكال, et certains gens peuvent comprendre que, ou peuvent avoir du mal à comprendre Comment comprendre ces versets? On dit que le Coran c'est la parole d'Allah. Et dans ces versets, Allah قال إنه لقول رسول كريم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلم به حقيقة وأنه صدر منهما. نعم لأن on est tous d'accord أن المتكلم il est واحد. Le Coran c'est une parole. Celui qui a ou la parole elle vient de واحد. D'un, elle ne peut pas venir de plusieurs. Donc, vu que, Huna, on a deux versets. Un verset qui montre que c'est le prophète Mohammed, un autre que c'est Jibril. Ça nous montre clairement que ce n'est pas leur parole, fil haqiqa. فلهذا قال الشيخ العثيمين وأنه صدر منهما لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que les deux, comme c'est cité dans les versets, on répète les versets, « Innahu laqawl rasoulin karim ». Ça nous montre que le prophète Mohammed et Jibril, c'est eux qui ont propagé la parole d'Allah. C'est des rasouls. Le Jibril, il a révélé au prophète Mohammed, et notre prophète, il a transmis la parole d'Allah. « Amma al-mutakallim, fa c'est Allah ». فثبت بذلك أن الرسولين بلغ ما أنزل الله تعالى كما في سورة الحاقة بعد هذه الآية dans la même سورة الله عز وجل قال إنه لقول رسول كريم ثم قال عز وجل تنزيل من رب العالمين quelques versets après قال عز وجل تنزيل من رب العالمين فالمتكلم به ابتداء c'est Allah أي c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى c'est la preuve قال عز وجل تنزيل من رب العالمين C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre sa parole. Kama fi qawlihi ta'ala, on peut citer un autre verset qui wadah akthar, ou des versets min surat al-shu'ara, qawluhu azza wa jal, wa innahu tanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruh al-amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin. Donc ce verset montre clairement que c'est tanzil min rabbil alamin, nazala bihi ar-ruh al-amin. Ay Jibril il est descendu avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a propagé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عز وجل في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Ceux qui prétendent que c'est pas la parole d'Allah, c'est la parole d'un être humain, c'est très très grave. فلهذا قال عز وجل En parlant de Al-Walid ibn al-Mughira, c'est lui qui a prétendu hada, in hada illa qawl al-bashar. Est-ce que le prophète Mohammed il transmet les versets du Coran, il a prétendu hada al-mushrik que c'était la parole d'un être humain. Et le Nabi sallam, il propageait la parole d'un être humain. C'était des mensonges, c'était pas la parole d'Allah. Qala azza wa jal, sa uslihi saqar. Et saqar, ça fait partie des noms de l'enfer. العلماء قالوا أن celui qui dit que le Coran il est makhlouq c'est un kafir بنص هذه الآية c'est très très grave فلهذا العلماء كفروا الجهمية qui prétendent que le Coran il est makhlouq c'est très très grave نعم أما كثير من الناس ils ont des choubah في هذا الباب فلهذا العلماء ils ont montré l'égarement de هؤلاء et الحمد لله ومعتقد أهل السنة والجماعة لواضح في هذه المسألة وفي غيرها قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فكيف يقولون في هذه الآية أو عن هذه الآية الأحباش وغيرهم من الضلال وإن أحد من المشركين استجارك أي الله سبحانه وتعالى إلى غير البروفة محمد عليه الصلاة والسلام quand il était vivant à son époque si un mushrik qui te demande d'être ton voisin de vivre proche de toi فأجره donne-lui l'autorisation pourquoi حتى يسمع كلام الله qu'est-ce qu'il va entendre ce mushrik le Coran donc Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé le Coran كلام الله donc le Coran c'est كلام الله et العلماء كذلك صنفوا في هذه المسألة في كتب الاعتقاد et on a cité la risala de l'imam السجزي رحمه الله إلى أهل الزبيد في من أنكر الصوت والحرف أما انحراف الأحباش في توحيد العبادة فإلى il est très très grave. Haoula, comme taqaddam ma'ana, au départ, c'est des soufis. Leur shir, bay'a à la tariqata al-rifa'iyya, et ta'athara bihim, il faisait partie d'eux. Il n'a jamais délaissé son madhab. Falihada qala, comme avi bourriyat al-talib, wa laysa yushtarat khusus hada al-lafd, bal yakfi ma yu'ti ma'naa. Et là, il parle de « La ilaha illallah ». Et tu n'es pas obligé de dire « La ilaha illallah ». Tu peux dire une parole qui montre le sens de « La ilaha illallah ». Et هذا النقل, il est important, cette parole est importante pour nous montrer leur croyance, ou plutôt leur, leur explication de « La ilaha illallah ». « فَقَالَ كَأَنْ يَقُولَ لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهِ وَلَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهِ » هذا سنمتر clairement أنهم يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. Il n'y a pas de رب sauf الله. Il n'y a pas de créateur sauf الله. والعجيب أنه فسر في موضع آخر هذه الشهادة العظيمة بقوله ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. سنمتر quoi؟ سنمتر تخبط هذا الرجل. أنه il disait certaines paroles dans, dans certains livres et il les contredisait dans le même livre ou dans d'autres livres. هكذا شأن أهل البدع والأهواء. أنهم se contredisent. لكن celui qui étudie أقوال هذا الرجل في الحقيقة il n'y a pas de contradiction. Et ne pas comprendre من قوله لا معبود بحق إلا الله comme أهل السنة. As-salaf, ils ont expliqué la ilaha illallah. Et ils ont appliqué at-tawhid. Et ils se sont écartés du shirk. Là, limada li anna l'adoration, hada al-dal al-munharif, il n'a pas la même notion de l'adoration que les gens de la vérité. Là. Fali hada qal, al-ibadatu nihayatu al-tadallul. Fala yajouz an yatadallal al-abd li ghayri hada al-tadallul li ghayri Allah. Faman sarafa dhalik li ghayri Allah faqad abada ghayri Allah. Jusqu'à ici, celui qui ne fait pas attention, et encore plus celui qui ne lit pas la suite, il peut penser que le kalam il est sawab, que son kalam il est juste. لكن تأملوا قال وليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت. Comment il a fait cette précision? Et pour montrer c'est quoi l'adoration. L'adoration c'est quoi inda? C'est pas une simple adoration. Là, pour lui, il faut qu'il y ait une intention. C'est pour ça que le fait de demander un nida c'est un appel. Tu dis, que ce soit pour un vivant ou un mort, pour lui, ce n'est pas une adoration. Donc, celui qui le fait, ce n'est pas du shirk. Et là, c'est très, très grave. L'imad ala qawlihi, celui qui demande aux morts, il dit, ya Sayyid Foulan, donne-moi, عنده, ce n'est pas du shirk. Qala, wala mujarrad al-ta'zim, ta'ammal, même al-ta'zim. Mathalan, ta'zim, al-ahl al-qubur, al-mawta, al-awliya. At-ta'zim, c'est le fait de d'élever, donner de l'importance, de la valeur. Même avec هذا التعظيم, c'est pas du shirk. قال ولا مجرد الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة عنده أي cette demande quand l'être humain il a peur, il a un besoin, il a une envie, il a un manquement. Enfin, même s'il demande à autre qu'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut donner, عنده c'est pas du shirk. عياذا بالله. قال ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك ولا مجرد طلب ما لم تجر به العادة بين الناس ولا مجرد صيغة الاستعاذة بغير الله تعالى أي ذلك الشرك توسع عنده c'est pas du shirk. وقال في المقالات السنية وإنما يكون شركا طلب من فرض الله تعالى به كطلب خلق شيء أي إحداثه من العدم وطلب مغفرة الذنوب عنده الشرك c'est une chose qu'il n'y a que Allah qui peut faire qu'al-khalq wa maghfirat al-dhunub. Amma demander à un mort, et hum, ils vont appeler hada al-tawassul ou al-shafa'a, pour eux, c'est pas du shirk. Et fait, le fait de demander à un mort, c'est une chose qu'il n'y a qu'Allah qui est capable de donner. Est-ce que ce mort, il peut te donner cette chose que tu vas lui demander? Ah, le mort, il peut rien te donner. Vu qu'il peut rien te donner, tu dois rien lui demander. C'est très clair. Lakin hada tafsil, c'est même de talbis. Hey, t'as pas le droit de demander telle chose et tu peux demander telle chose. Fi haq al mayyit, tu n'as rien droit de demander. C'est pour ça que ahl sunna ahl al haq, ils font la différence avec le vivant. Mathalan, tu as le droit de demander à un vivant une chose, il est capable. Tu demandes à quelqu'un, mathalan, de te donner un verre d'eau, de te donner une chose, personne dira que c'est du shirk. Amma, le mort, le fait de lui demander, c'est qu'il y a une croyance. Il y en a un mort, c'est un mort. والله المستعان. فطلب غير هذه الأمور والصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل عند هذا الخبيث c'était pas du shirk. فلهذا قال c'est pour ça qu'il a dit في الدور المفيد يجب أن لا ينكر على المسلم الذي يقول المدد يا رسول الله يجب أن لا ينكر عليه. C'est pour ça que pour هذا الحبشي c'était une obligation de ne pas réprimander le musulman qui disait « Al-Madad, ya Rasulallah ». Est-ce que Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, « Al-Madad », c'est quoi? C'est ce que l'être humain, il a besoin. Risque, que ce soit nourriture, argent, enfant, il a akhiré. Est-ce que demander « Al-Madad » et cette aide au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut la donner? Il ne peut pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit, « Azza wa Jal, innaka mayyitun wa innahum mayyitun ». Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre hada shirk et hada Al-Khabif, Al-Mujrim, il prétend qu'on ne doit pas réprimander ceux qui disent hada. Alors qu'on doit réprimander. Si on entend quelqu'un dire Madad ya Rasulallah, ou ya Rasulallah, donne-moi telle chose, il a agré, on doit lui montrer c'est du shirk. Al-Ibada, c'est haqqun lillah azza wa jal wahda. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos femmes, enfants, il a agré. Lakin, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un makhlouq. Abdullah wa Rasuluh. Amma l'adoration, c'est que pour Allah, Azza wa Jal. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, الدعاء هو العبادة. L'invocation, c'est l'ibada. C'est, نعم, الدعاء هو العبادة. L'invocation, c'est l'adoration. Si on demande à n'importe quel عاقل qui connaît la langue arabe, قول, المدد يا رسول الله, est-ce que c'est un دعاء? Tout le monde dira, نعم, effectivement, c'est un دعاء. Quand on dit, un tel, donne-moi telle chose, c'est une invocation, c'est une demande. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. العبادة سحق لله وعبد الله ولا تشرك به شيئا. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بل سئل الحبشي هذا عن حكم السجود لصنم. Ils ont posé la question, c'est quoi le jugement celui qui se prosterne devant une statue. فقال كبير من كبائر الذنوب ليس أكثر وليس شركا. Pour lui, c'est un grand péché, lakin c'est pas du shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris, ou il n'a pas voulu comprendre, wallahu a'lam bihale, la définition et le sens de l'adoration. C'est pour ça que pour lui, si tu te prosternes devant une statue, fa'inda, c'est pas une adoration. C'est un grand péché, lakin c'est pas du shirk akbar. Ana'oudhu billah min az-zayr wa dhalal. Wa al-lajna da'ima, ils ont un kalam jamil. عن هذه الفرقة dans leur fatawa et قالوا مما قالوا عن الأحباش يجوزون الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة بالأموات ودعائهم من دون الله عز وجل وهذا الشرك أكبر بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. نعم هؤلاء يغنط licite le fait de demander à autre qu'Allah, le fait d'invoquer des morts, alors que c'est de la grande mécréance, comme c'est cité dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est selon l'unanimité des musulmans. وهذا الشرك هو دين المشركين الاولين من كفار قريش وغيرهم كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. Tout cela au nom de shafa'a, tout cela au nom du tawassul. Tu trouveras al-ahbash yunkirun wa yubghidun ahl as-sunnah, surtout Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. لماذا؟ لأن il a un livre sur التوسل والوسيلة. Il a montré que c'était du shirk, le fait de demander aux morts. فيبغضونه, بل ils l'ont fait sortir de l'islam. الإمام محمد بن عبد الوهاب, Cheikh al-Islam, المجدد, et كذلك أئمة الدعوة, ses élèves, ses enfants, il a appris. يبغضونه, pourquoi؟ لأن أئمة الدعوة, c'est connu, ils ont fait un énorme effort, ils ont combattu shirk, ils ont combattu هذا التوسل الشرك. Dans plusieurs livres, que ce soit Kashf Shubuhat, Nawaqid al-Islam et fi ad-Durar as-Saniyah, il y a énormément de khayr fi hadha al-bab. Et le troisième imam, l'imam al-Albani rahimahullah, il a un kitab at-Tawassul al-Mashru' wa at-Tawassul al-Mamnu', ou un unwan mutaqarib. Mouhim, il a écrit une risala fi at-Tawassul. Kadhalik, yubghidun, il déteste Cheikh al-Islam, l'imam al-Albani rahmatullah alayhi. Amma الغلو والإطراء في شيخهم l'exagération qu'ils ont envers leur cheikh فنعوذ بالله. كذلك ce chapitre après l'avoir étudié tu comprendras clairement أن هؤلاء ils font partie de الصوفية. N'ai aucun doute في هذا. فهذا نبيل الشريف un des élèves de الحبشي في سلسلته une série de cours qu'il a appelé أشريطة مجالس الهدى قال أن الحبشي كان إذا صرخ الله أكبر تنطفي النيران. Quand الحبشي الهراري الشيخ disait الله أكبر à haute voix le feu il s'éteignait من دون ما sans eau. Ça pour eux c'est une karama azima. الله أعلم بهذا بهذا. Ces personnes c'est pas des personnes de confiance et كثير منهم يكذبون et ils citent ce genre de khuraf. وقال dans la même source dans cette série de cours مجالس الهدى وكان إذا نام في مكان يمتلي هذا المكان عطرا من أطيب أنواع العطور. Quand il dormait dans un endroit, cet endroit très très vite il y avait cette odeur de parfum. بل من أطيب parmi les meilleurs parfums أي cette odeur. وقال في مجالس الهدى ومن كراماته أنه كان يخرج من ملابسه ويذهب أينما شاء في العالم. فكيف va croire مثل هذه الخرافات؟ كأنك تقرأ الآن dans كرامات الشعراني أو لكرامات زنادقة الصوفية. Exactement les mêmes histoires et les mêmes mensonges. فمن كراماته أنه كان يخرج et parmi les miracles de leur chair أنه كان يخرج من ملابسه أنه يكتس سيفيتمون يسو ديبلاسي دون لا بلانيت أو كيل فولي. قال تلميذه أن دو سيزيليف قال كان الشيخ عبد الله مسافرا إلى الحج مرة يفوياجي بوغ ألي فيغ الحج وكان الشيخ أي هذا الحبشي عبد الله الحبشي يلبس فرو الخروف. كذلك هذا سان سين سان من عادات الصوفية أنه Il mettait farwa al-kharouf, c'est la peau du mouton. La peau et la laine du mouton. فغطى الشيخ جسده كله بهذا الفرو وكانوا يسيرون في الطريق. Donc le cheikh, il avait ce vêtement sur tout son corps. Et ils étaient dans leur véhicule en direction de Mecca pour faire le hajj. وبعد قليل نزل الفرو وفرغ من جسد الشيخ. Donc après un moment, ils ont vu que le vêtement, il était vide. Le cheikh n'était plus avec eux. قال يعني لم يعود الشيخ عبد الله معهم في السيارة. Il n'était plus avec eux dans la voiture. فنظر هذا الرجل لصاحبه وقال له انظر لم يعد أحد في الفرو. Il a dit à son ami regarde dans le vêtement il n'y a plus personne. Et le cheikh il a disparu. ثم بعد قليل رجع هذا الثوب وانتفخ بعدما رجع الشيخ عبد الله. ثم après un moment le cheikh il est revenu dans la voiture. فهكذا البدعة هكذا الضلال هكذا celui qui s'écarte du Coran et de la Sunna هكذا celui qui délaisse la voix des salaf عيادا بالله. Des choses que même la raison elle n'accepte pas et c'est des mensonges clairs. فلا شك ولا ريب أن الأحباش من أهل التصوف وكذلك من أهل الخرافات. أما الطعن في بعض الصحابة والأئمة ça fait partie de leur منهج de leur voie. حتى الصحابة رضي الله عنهم les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. قال الحبشي إن أغلب الصحابة كانوا مقلدين وإن المجتهدين من الصحابة ستة فقط. Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était des muqallida. Et ta'lamoun anna al-muqallid ça veut dire quoi al-muqallid? C'est celui qui suit aveuglément donc il est ignorant. C'est pour ça le fait de dire hada surtout lui قال wa inna al-mujtahidin min as-sahaba sita faqat. Il y a six compagnons qui font partie des mujtahidin, le reste c'est tous des muqallid, ils suivent aveuglément. Lima hada li annahum ils ont pas d'ilm. نعوذ بالله من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أكثرهم لا يستطيعون استخراج الأحكام من القرآن والسنة. Ça, ça explique le sens du muqallid. Pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que la plupart, l'immense majorité de ses compagnons, à part 6, ils n'avaient pas les moyens de comprendre le Coran ou la Sunna. Istikhraj al-ahkam. Et comprendre les versets et te dire ce verset, il montre telle chose, ce hadith, il prouve telle chose. لماذا لأن عند هذا الخبيث c'était des مقلدين. وقال كما في إظهار العقيدة السنية son شرح على الطحاوية قول الإمام الطحاوي رحمه الله لا نذكرهم إلا بالخير. Ça, ça fait partie de عقيدة أهل السنة. C'est pour ça que l'imam al-Dhahabi ou plutôt l'imam al-Tahawi رحمه الله il a cité هذا المعتقد dans sa عقيدة. أي لا نذكرهم إلا بخير. الصحابة, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, on doit les citer qu'en bien. On n'a pas le droit de les citer en mal. Et l'insan yintabih. Il y en a بعض الناس أحيانا il parle d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il cite des mots qui ne sont pas acceptables. Là, les صحابة ont fait attention. لا نذكرهم إلا بخير. On parle de qu'en bien. قال. Donc, il a expliqué cette parole de l'imam al-Tahawi بقوله فمعناه الإجمال لا نذكرهم إلا بخير أما عند التفصيل فنذكر المراد على حسب صفاتهم للمقصد الشرعي فليس معنى هذا الكلام أنه لا ينتقد أحد منهم لا بل من نعم ثبت عليه شيء ينتقد عليه انظروا من كلام الأئمة quand ça les arrange là et les accepte. مثلا كلام الإمام الشافعي كلام الإمام مالك كلام الإمام الطحاوي إلى آخره يزكسب quand c'est contre eux ils déforment. من قال له أن مراد الإمام الطحاوي c'est pas tous les compagnons. لأن qu'est-ce qu'il prétend ou qu'est-ce qu'il a prétendu هذا الخبيث أن الإمام الطحاوي il a pas voulu dire tous les compagnons. لا الإمام الطحاوي il a dit tous les compagnons. قال لا نذكرهم إلا بخير. Enfin, celui qui prétend l'inverse il doit amener une preuve, un كلام de l'imam الطحاوي. الإمام الطحاوي والله الحمد من أئمة السنة فلا شك أنه يرسبكت لي كومبانيون لكن هذا الخبيث pour appuyer ses égarements il a prétendu que l'imam الطحاوي il a pas voulu dire que c'est tout le monde là ça c'est من باب الإجمال c'est en général وإلا فسي faut critiquer un des compagnons et on a une preuve on le critique أنا أعوذ بالله c'est eux qui sont critiquables مثل هؤلاء الأحباش والله ضلال و زندقة dans certaines choses ou un حراف شديد et ils prétendent que الصحابي un compagnon parmi les compagnons s'il a quelque chose on doit le réfuter إلى آخر أين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين هؤلاء c'est incomparable. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس أو هم خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. C'est ça مذهب السلف. C'est pour ça que l'imam Ahmed رحمه الله il a cité هذا في رسالته السنة. Les fondements de la sunna, parmi les fondements, c'est respecter les compagnons. Aimer les compagnons رضي الله عنهم. فلهذا لا يجوز عند أهل السنة de les citer en mal ou de les accuser إلى آخره. فهذا هو اعتقاد أهل السنة. Ça ne veut pas dire أن أهل السنة يعتقدون أن الصحابة معصومون عن الخطأ أبدا qui sont infaillibles أبدا comme on a étudié ensemble dans الواسطية لكن citer ce qui s'est passé entre eux من حروب et كذلك citer les mots, des mauvaises choses ou parler en mal d'eux هذا c'est حرام عند أهل السنة et أهل السنة ils l'ont cité comme fondement فلا يطعن في الصحابة رضي الله عنهم إلا منحرف. أما كلام هؤلاء الخبثاء que ce soit le fondateur الحبشي أو ceux qui l'ont suivi في معاوية ابن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه كثير يتعلمون أن كثير من أهل البدع يطعنون في معاوية أئمة السنة ils ont montré que معاوية c'est le باب c'est une porte فالذي يطعن في معاوية c'est comme s'il a ouvert la porte pour accuser les autres compagnons فالحذر. معاوية رضي الله عنه il faisait partie des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام et le prophète عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي n'insultez pas mes compagnons فلماذا الكلام فيه الأحباج الآن ils n'ont pas trouvé qui critiquer à part les compagnons كم من ضال que ce soit chez eux au Liban أو ceux qui sont en France, أو ceux qui sont aux États-Unis, أو ceux qui sont ما أدري أين. كم من ضلال critiquable et qu'on doit critiquer. C'est pour ça que هؤلاء tu trouves عباد الله المؤمنون عباد الله المؤمنين بل ذروة المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى الأحباش يطعنون فيهم. Et tu trouves اليهود والنصارى والزنادقة والمشركون ils sont في أمن وأمان. Ils sont en sécurité. الأحباش ils ne les critiquent pas. هكذا الشأن المنحرفين. فقال في معاوية وليعلم أن معاوية كان قصده من هذا القتال الدنيا فلقد كان به الطمع في الملك. انظر تدخل في النيات. Vu qu'ils ont aucun argument, il a prétendu que le combat de معاوية c'était pour المال. C'était pour le mulk, c'était pour le dunya. Et c'était que pour ce bas monde. Il aimait l'argent, il a akhiré. Tadakhul fi niyat est du mensonge. N'am. Falaqad kana bihi at-tama' fi al-mulk. N'am. Amma as-sunni fa ya'taqid anna al-mujtahid min as-sahaba il a une récompense. Et le musib il a deux récompenses. Ahada. Et on a étudié hada wallahi alhamd dans al-wasitiyya. Amma ta'anuhum fi al-a'imma فتقدم معنا أنهم طعنوا في الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قالوا فيه من رؤوس المشبهة. Pourquoi? لأن الإمام الدارمي رحمه الله معروف من أئمة السنة كي غفتي بشر المريسي إلى غفتي رؤوس الجهمية والمعتزلة. Ça, ça vous montre ماذا؟ أن هؤلاء c'est des menteurs. Quand ils disent on suit Abu الحسن الأشعري on suit الإمام هؤلاء c'est des معطلة. هؤلاء تأثروا بمذهب الجهم وبمذهب عمر بن عبيد وواصل بن عطاء هؤلاء المعتزلة. C'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé la réfutation de l'imam الدارمي. وقالوا عن كتاب ابن خزيمة كتاب التوحيد ils l'ont appelé كتاب الشرك. Alors que celui qui a déjà lu هذا الكتاب النفيس c'est من أنفس الكتب في باب الصفات. Il a montré la voie des salafs et réfute les égarés fibab as-sifat. Amma al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah fa c'est leur adou. Ils l'appellent al-shaytan, ils l'ont kaffar wa yat'anuna fi. Bal al-habashi al-za'ir il a écrit un livre al-maqalat al-saniya fi kashf dhalalat Ibn Taymiyyah. Il a écrit un livre pour montrer soi-disant les égarements de Ibn Taymiyyah. Et معلوم pourquoi il le déteste. Il y en a Ibn Taymiyyah rahimahullah radda biquwa. C'est lui qui a réfuté kathiran al-ash'ira. Et ses livres, walillahi alhamd, c'est devenu des références. Amma al-imam al-zahabi taqaddam ma'ana annahu il a écrit un livre sur al-ulu qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus. Faqalu fih al-habashi qal idha qil ani al-zahabi khabith fa huwa fi mahillih. Celui qui dit que al-Zahabi, al-Imam, rahmatullah alayhi, sahib siyar alam al-Nubala, ce livre que beaucoup de muslims, wallahi alhamdi, ils connaissent et ils profitent, fa'indahum, c'est un khabith. Al-khabith, ça vient de l'khubd, quelqu'un de mauvais. Amma ta'anuhum fi al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab, et kathalik a'immat al-Da'wa, rahimahumullah, fa'a kathir, jiddan. Il les appelle al-Wahhabiyya. ويكفرونهم اي citer leurs paroles هنا ça prendrait trop de temps. كذلك طعنوا في الامام الالباني في الامام ابن باز يطعنونهم في علماء السلفيين في علماء اهل السنه. لماذا؟ لان علماء السنه ils ont montré leurs égarements que ça soit في التوسل que ça soit في توحيد العباده que ça soit في الصفات que ça soit في الصحابه رضي الله عنهم الى اخره ils ont montré leurs égarements. On finit avec ce dernier chapitre qui mafhoum al-bid'a. Ils ont une compréhension de l'bid'a qui est totalement fausse. قال الحبشي في إظهار العقيدة السنية ولنختم هذا الشرح أي الطحاوية بمسائل مهمة إلى أن قال فنقول البدعة على وجهين بدعة ضلالة وبدعة هدى. Ils sont connus pour هذا التقسيم. Et on en fait une précision أن بعض الأئمة قالوا بهذا التقسيم comme l'imam al-Nawawi et d'autres. Lakin, al-Sunni, il prend al-Haqq bidalil. الإمام النووي رحمه الله il n'était pas معصوم, il s'est trompé dans certaines مسائل في الصفات, il s'est trompé في هذا التقسيم et d'autres imams. هذا pour faire cette précision هنا من باب العدل والإنصاف. فهؤلاء ils ont pris هذا التقسيم بدعة ضلالة وبدعة هدى. Il y a des mauvaises innovations et il y a des bonnes innovations. قال بدعة, فبدعة الضلالة هي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Cette bid'a, pour eux, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, c'est les mauvaises innovations. Ta'ammal, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال wa kullu bid'atin dhalala. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a montré qu'il y a une bonne et une mauvaise innovation? Bel, ce dalil s'en rend contre eux. لو كانوا يعقلون. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال kullu bid'atin dhalala. Même si un imam, que ce soit l'imam al-Nawawi rahimahullah ou autre, il a fait hada taqsim, il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a, la parole du prophète alayhi salatu wasalam elle passe avant. Et tous les a'imma qui ont montré que ce taqsim il était faux. Et min ahsan man bayyana, le fait de dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises bid'a, min ahsan man bayyana dalik, c'est l'imam al-Shatibi rahimahullah, fi kitab al-i'tisam. Enfin, celui qui veut développer ce sujet, on en a déjà parlé, walillahi alhamd, dans plusieurs cours, fa fi hadha al-kitab. قال أما بدعة الهدى لا بون بدعة أو لا بدعة لا جيدة فهي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. تأمل الحديث كذلك. Est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a cité البدعة؟ لا. قال من سن في الإسلام سنة حسنة. Celui qui fait une sunna hasana dans l'islam, il aura la récompense de ceux qui l'ont suivi. Ça veut dire quoi هذا؟ Ça veut dire que celui qui applique une sunna qui est oubliée dans un endroit et tu l'as fait revivre, tu as la récompense. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas parlé de bid'a en huna. Quand il y a le lakin, on a la parole de Omar radiallahu anhu, ni'mah al-bid'a hadhi. Pour comprendre hadha al-hadith, il faut savoir que Omar radiallahu anhu, il a dit hadha fi ma yata'alaq bit-tarawih. Est-ce que al-tarawih, à l'époque de Omar, c'était une bid'a? Et al-bid'a, c'est quoi? C'est faire une chose. On est dans bab al-ibada, bien sûr, on fait cette précision. Et inventer, innover une chose dans la religion qui n'avait pas d'exemple avant, qui n'a pas de fondement et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ou autorisé ou accepté. Si on vient à Tarawih, Omar il a dit hada fi Tarawih, la prière de Tarawih, salat Tarawih ma'rouf, la salat pendant les nuits de Ramadan. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait cette salat? Non. Il l'a fait plusieurs jours au masjid. Quand les gens ils ont commencé à venir nombreux, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a arrêté de la faire par crainte qu'elle devienne obligatoire. Et il la faisait chez lui. Donc il l'a fait au masjid et il l'a fait chez lui. Donc il a fait cette salat. Donc est-ce que ça veut dire que c'est une bid'a? La parole de Omar, c'est une bid'a que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais faite? Ça veut dire quoi une bid'a? Ça veut dire que cette chose, cette adoration, elle n'était plus faite, elle n'était plus appliquée de cette façon. Et Omar il a fait revivre cette sunna. Naam. Enfin, il l'a appelé. هنا بدعة من هذا الباب. Et هذا c'est pas du تحريف comme ils font eux. أبدا. لماذا؟ لأن on a cité des sources que النبي صلى الله عليه وسلم lui-même il a fait هذا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في الاعتصام للشاطبي من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. C'est كلام المحققين من أهل العلم. Celui qui prétend que dans l'islam il y a une بدعة حسنة. Et tu peux innover dans l'islam. فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَانَ الرِّسَلَةِ. C'est comme s'il prétendait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait trahi le message. لِمَالَ لِأَنَّهُ il va apporter une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas transmise. إِمَّا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ il ignorait cette chose. إِمَّا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ il l'a caché. Dans les deux cas c'est grave. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam أَدَّى الْأَمَانَةَ وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. C'est pour ça que les ulama ils mettent en garde contre al-bid'a. قال لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الإمام مالك رحمه الله en se basant sur ce verset, أن الله سبحانه وتعالى il a parachevé cette religion, la religion elle est complète. ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا, est-ce qu'il ne faisait pas partie du din à leur époque quand le verset est descendu? Enfin, à notre époque ça fait pas partie du din. Et كذلك نحن à notre époque ça fait pas partie du din. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il a complété sa religion, il a parachevé sa religion, elle est complète. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له رسالة جميلة في هذا القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. إلى parler de البدعة قال: فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فما هذا الرأي الذي حدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟ هذا كلام جميل. Ceux qui disent bid'a hasana, on leur dit citez-nous une bid'a hasana qu'il n'y avait pas à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. تأمل. On répète: فإذا كان الله قد أكمل دينه. Allah subhanahu wa ta'ala s'il a parachevé sa religion. قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم. Avant la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام, avant de mourir, la religion était complète. ثم il est mort عليه الصلاة والسلام. فما هذا الرأي الذي حدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟ C'est pour ça que عند الصحابة رضي الله عنهم tu trouveras pas de بدعة. لماذا؟ لأن الدين il était complet avant la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم ils ont suivi هذا الدين. Les بدعة c'est venu après. بدعة الخوارج والجهمية والمعتزلة. Toutes ces sectes qu'on a étudié ensemble. ولله الحمد. ثم قال الإمام الشوكاني: إن كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم، وهذا فيه رد للقرآن. Si هؤلاء واحد يبخطان qu'il y a une بدعة qui est venue après le prophète عليه الصلاة والسلام, elle fait partie du din. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire: donc pour toi le din n'était pas complet. لماذا؟ لأن tu dis que cette chose qui est venue après le prophète عليه الصلاة والسلام elle fait partie du din. Donc le din, tu as ajouté une chose, donc il y avait un manquement vu que pour toi ça fait partie du din. تأملوا. Et هذا c'est grave. لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. C'est pour ça que l'imam Malik رحمه الله il a cité sa parole qu'on a lu. Donc هذا c'est pas possible. بقي ماذا؟ وإن لم يكن من الدين. Si واحد دين, نعم c'est une بدعة, لكن ça fait pas partie du din. قال: فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين. On n'a pas besoin de perdre notre temps si ça fait pas partie du din. مثلا واحد يقول: ce téléphone ou cet enregistreur il était pas à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. On lui dit: on est d'accord, ça fait pas partie du din. Allah عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. Allah سبحانه وتعالى il a parachevé la religion par les technologies, il a arrêté. Donc ce téléphone, on a le droit d'utiliser, c'est pas une innovation dans la religion, c'est une innovation dans le monde de tous les jours. On regarde est-ce qu'il y a des choses haram ou pas. Si c'est il y a rien de haram, alhamdoulillah, on a le droit d'utiliser. Donc تأملوا كلام أهل العلم. Ça nous montre أن هذا التقسيم il est باطل. Et le temps est passé, donc on conseille nos frères de revenir au livre de l'imam Shatibi, Al-I'tisam. Amma leur fatawa, ils ont des avis religieux, des réponses à des questions, fana'oudou billah minhum, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de leur mal. Ils ont autorisé des choses, c'est pour ça que, walillahi alhamd, awam al-muslimin, ils sont loin de ce groupe. Et beaucoup de gens qui sont rentrés ma'ahoum, ils les ont délaissés. Les mains, les anahoum, ils sont sectaires. Et ils ont des avis qui contredisent les textes clairs. Par exemple, سئل الحبشي عن قوم عندهم مزرعة وجيرانهم غير مسلمين. Ils ont posé cette question à هذا المنحرف, des muslimoun, des croyants, ils ont une mazra'a. Ils ont des jardins, ils ont des voisins. Rien musulmans. Ce n'est pas des musulmans, c'est des kuffars. هل يجوز سرقة زروعهم وبقرهم؟ هل يجوز سرقة زروعهم وبقرهم؟ Est-ce que c'est permis de voler leurs plantations, leurs graines, légumes, et كذلك leurs bêtes؟ قال أو بلتو نعم فأباح ذلك بالشرط أن لا تؤدي سرقته إلى فتنة. Il a autorisé هذا tant que ça ne pousse pas une fitna. Et s'ils ne te voient pas et tu risques rien, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est des kuffars. Na'oudou billah min al-inhiraf. L'injustice, c'est pas permis. Avec des croyants ou avec des kuffars. Même si c'est pas un musulman, cette personne, elle a fait des efforts pour avoir ses biens. Ce jardin, ce terrain, ses bêtes. Enfin, on n'a pas le droit de lui prendre injustement. Abdan. كذلك أجازوا أخذ الربا من الكفار. On ne citera pas tout leur kalam, les anal waqt dahab, ça serait trop long. Ils ont autorisé Kadalik de prendre l'usure si c'est un kafir. Kadalik al-ikhtilat. Qala, on peut lire sa parole, les anal ghariba. Ikhtilat al-rijal bin nisa ala wujhayn. Wujhun jaiz wa wujhun muharram. Al-ikhtilat pour eux, c'est de deux catégories. Vous avez remarqué que dans leur kalam, il y a beaucoup hada. cette chose, elle se divise en deux catégories. Une catégorie permise, une catégorie non permise. L'imada, par rapport à leur passion. Des choses, ils peuvent pas rejeter. Il y en a, les gens, ils vont les démasquer. Et d'autres choses, ils les déforment par rapport à leur passion. Enfin, la mixité entre les hommes et les femmes, c'est de deux catégories pour eux. Une catégorie permise, une autre interdite. فقالوا الوجه الجائز هو الاختلاط بدون تلاصق بالأجسام. أي la mixité qui est permise, c'est tant que tu n'es pas collé. L'homme, il n'est pas collé à la femme. Maintenant, dans un endroit tellement qu'il y a du monde, c'est serré. Enfin, s'ils peuvent se toucher et les corps, ils se rejoignent. فهذا الحال c'est haram. وإلا فسي permis. ونعوذ بالله. الاختلاط, pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il nous l'a interdit. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. Ça nous montre qu'il y a un endroit où il y a des femmes. L'homme, il n'a pas le droit de rentrer. Encore plus si cette femme, elle n'a pas le hijab, le shari, encore plus si ça peut emmener des choses graves. Il a l'imad. L'anna, pour fermer la porte du mal. Est-ce qu'un homme, avec une femme, dans un endroit mixte, est-ce que ça peut pousser à la fitna? Combien de gens, ils sont tombés dans le feu hijab à cause de cette mixité? Enfin, ça nous montre anna, ha'oula, ils veulent pas la vérité. Et là, la vérité, elle est claire. Et c'est pour ça que tu trouves un nafi haoula, elle fait ce pour chorer les kathirs. Les malades, les hommes, ils ont ouvert les portes. T'as le droit de serrer la main aux femmes, t'as le droit de parler aux femmes, la femme, elle a le droit de se parfumer. Ils ont ces fatawa. Isma'a. Qala. Khuruj al-mar'a al-muta'attira al-mutazayyina idha kana qasduha adam iftitan al-rijal. Aïe, hada min bouryat al-talib. Aïe, c'est permis à la femme de sortir parfumée, même si elle est embellie, si son intention, c'est pas de faire tomber les hommes dans la fitna. Na'oudou billah. Qu'elle a cette intention ou pas, si l'homme il sent ce parfum et il voit cette femme embellie, enfin, il va être attiré, il peut tomber dans le fitna. On regarde pas l'intention de la femme, ou là. On regarde, est-ce qu'il peut avoir une fitna amla en se basant sur les textes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit la femme parfumée de sortir. Oulala, ils ont cité cette condition. Batila. Wa qala Nizar al-Halabi, un de leurs guides, comme a fait Jaridat al-Muslimin, Fatayatuna yata'attarna wa yartadina al-jins. Il a prétendu en effet, nos filles, nos femmes, elles sortent parfumées et elles mettent des jeans. Aïe, des pantalons, a'oudou billah. Li annana najma'a bayna al-sutra wal-mouda. Aïe, ils ont voulu rassembler entre sutra, le fait de se couvrir, et la mode. C'est pour ça que indaha oula abdullah, le fait de se couvrir, l'essentiel c'est que la peau elle ne se voit pas. Même si c'est des habits moulants, même si c'est un jean, même si c'est des habits de kuffar, l'essentiel c'est qu'il ne faut pas que la femme elle soit nue. Ça c'est un fun ba'i didden. Ça montre que ils n'ont pas compris les textes. Et kadalik, il y a les passions. Amma tahrifuhum lil qibla. Pour les reconnaître, al-Ahbash, ils sont connus pour هذا, أنهم لا يصلون مع المسلمين. Et ils évitent les masajid des muslimines. وهذا, je l'ai vu loin, moi-même. Quand on a fait le hajj marra, et dans une escale, tous ceux qui étaient dans l'avion, ils ont fait salat, wallahi alhamd, il y avait un groupe min هؤلاء al-Ahbash, ils n'ont pas fait salat. Ben, ils ont attendu qu'on finisse tous la salat. Au moment où on les a vus rentrer, ils ont changé complètement la qibla et ils ont fait as-salat. Alors, on n'a même pas besoin de citer min kutubihim ila akhiri. C'est ma'rouf, celui qui les a vus, il les a vus. Et hada, c'est un inhiraf shadid. Annahum, c'est pas, ils changent un peu de direction, c'est, ils changent complètement la direction. Et là, annahum, c'est par rapport kadhalika, leur aqida de takfir al-ulama ou al-muslimin, ou kathir min al-muslimin. Al-khatima, pour conclure, أن الأحباش سن فرقة ضالة جمعوا ما عند كثير من المنحرفين قبلهم من الزيغ. Ils ont pris beaucoup d'égarements de ceux qui étaient avant eux. فهم معطلة في باب الصفات. في باب الصفات c'est des معطلة محرفة. Ils ont rejeté la plupart des attributs. Ils ont déformé les attributs qu'ils ont acceptés. في باب الإيمان c'est des مرجئة. On n'a pas détaillé هذه المسألة. أما في ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وفي معاوية بالأخص فشبهوا الروافد الزنادقة dans les accusations des compagnons comme on a vu ensemble رضي الله عنهم. أما في ما يتعلق بالتوحيد فسيدي صوفية انحرف انحرافا شديدا في هذا الباب، دي خرافات جو الشرك عيدا بالله. كذلك شبه الخوارج والتكفيريين في الطعن في أهل السنة وفي العلماء، c'est pour ça qu'ils ont كفر beaucoup de savants عيدا بالله. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الهدى والنور، وهو أي عبد الله الحبشي بلا شك منحرف عن الإسلام، لكن يبدو أنه ممكن مدسوسا باسم الإسلام لإضرار الإسلام والمسلمين. هذا كلام الإمام الألباني، أن لا شك أن leur fondateur عبد الله الحبشي c'était un égaré. Et كما قال الشيخ الألباني c'est pas بعيد أنه il était مدسوس، أنه يتخابيه أو il était envoyé par ما أدري من pour faire du mal à l'islam والمسلمين. وإلا فأمره إلى غريب، il a fui son pays ثم il est arrivé au Liban ثم الله أعلم qui c'est qu'il a financé إلى آخره حتى ce groupe il s'est propagé. وقال الشيخ الألباني أيضا هم من أجهل الناس إن لم يكونوا من أضل الناس وهم في منتهى الحماقة إن لم يكونوا في منتهى الضلال. نعم، ils font partie des plus ignorants, des plus égarés. والإمام الألباني رحمه الله il les connaissait بل il a déjà rencontré leur fondateur عبد الله الحبشي، لأن الشيخ الألباني il est en Syrie et la Syrie معروف c'est à côté du Liban et هم ils sont propagés dans cette région. فالشيخ الألباني رحمه الله il les connaissait. فالنصيحة c'est هجر هؤلاء وعدم مناقشتهم. هؤلاء on doit pas leur parler, on doit s'écarter d'eux, on doit pas polémiquer avec eux. لماذا؟ لأنهم متعصبة إلى الغاية. Ils sont entêtés dans leur égarement إلى الغاية. عيدا بالله. Donc نحذر من هؤلاء. أما الجاهل واحد qui a commencé à les suivre ou qui est tombé sur certains de leurs cours ou livres sur internet et il ne les connaît pas, فهذا ينصح. On lui montre le haq. On lui montre le haq, كلام أهل العلم, les égarements de هؤلاء. والحمد لله. كذلك يجب التحذير من جمعيتهم في فرنسا وفي غيرها. لكن on parle de la France, نحن لأننا on est plus concerné par rapport à ceux qui nous écoutent. Leurs associations en France, surtout une de leurs associations, elle est connue sous le nom de l'APBIF, l'Association des projets bienfaisance islamique de France. Ils ont des calendriers et la akhri. Et certaines personnalités, des chanteurs, ils les avaient suivis à une époque et leur da'wah s'était propagée. Il fallait hadr min hada. On n'achète pas leur calendrier, on en garde contre eux, on va pendant leur masajid. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala al-haq hatta nalqah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.